إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue aujourd'hui la lecture du livre Fadl al-Islam, Le mérite de l'Islam, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans le cours d'hier deux chapitres dans lesquels l'auteur rahimahullah ta'ala nous a démontré sous plusieurs angles pourquoi l'innovation est plus grave que les grands péchés. Et dans le chapitre suivant, que l'on va voir aujourd'hui, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé que le fait d'innover en religion est une cause menant l'innovateur à sortir de l'islam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. En effet, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les gens de science ont mentionné que l'innovation mène au polythéisme ou à la mécréance. Et si tu doutes à ce sujet, tu n'as qu'à méditer sur ce qui a mené le peuple de Nuh, alayhi salam, à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est autre que l'instauration de choses nouvelles en religion. Lorsque le diable aura enjolivé les innovations, le fait de façonner des statues à l'effigie des vertueux après leur mort, le fait de se recueillir auprès de ces statues, ceci les a menés par la suite à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le diable, il ne va pas venir à la personne et lui ordonner immédiatement de sortir de l'islam. Mais il va y aller pas à pas, étape par étape. Et l'innovation est comme un pont menant au polythéisme et à la mécréance. Et ceci nous montre sa gravité et son danger. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc mentionné dans ce chapitre plusieurs versets, plusieurs hadiths, et il a dit chapitre au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ahla al-kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Ibrahim jusqu'à sa parole? Ma kana Ibrahim yahoudiyan wa la nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, il était hanif et musulman, et il n'était point du nombre des polythéistes. Donc à travers la mention de ces versets, qui sont les versets 65 à 67 de Surat Ali Imran, l'auteur, rahimahullah ta'ala, attire notre attention sur le fait que lorsque les juifs et les chrétiens se sont divisés, qu'ils se sont écartés de la voie de leur prophète, ils ont alors délaissé la religion d'Ibrahim alayhi salam. Bien qu'ils se réclament tous d'Ibrahim, ils ont en réalité délaissé sa voie et délaissé sa religion. Car Ibrahim n'était point du nombre des polythéistes. Et eux sont des polythéistes. Ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, ceux qui se séparent du groupe dans cette communauté, parmi les gens de l'innovation, le fait qu'ils se séparent et se détournent de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut les mener pas à pas au délaissement de cette religion, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 130 de Surat al-Baqarah lorsqu'il a dit: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Et qui se détourne de la religion d'Ibrahim, si ce n'est celui qui méprise sa propre personne, celui qui fait preuve de sottise et qui mène sa propre personne à la perte. Nous l'avons très certainement choisi en ce monde, c'est-à-dire Ibrahim, et dans l'au-delà, il sera certes du nombre des vertueux, c'est-à-dire de ceux qui auront les degrés les plus éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ceux qui se détournent de la religion d'Ibrahim, alayhi salam, comme faisant preuve de sottise, comme méprisant leur propre personne et menant leur propre personne à leur perte. Donc toute personne qui se détourne de la religion d'Ibrahim, alayhi salam, qui n'est autre que le fait de vouer un culte exclusif à Allah et de se détourner de toute forme de polythéisme, alors celui-ci fait plus ou moins preuve de sottise. Il méprise plus ou moins sa personne et l'amène plus ou moins à sa perte. Et parmi les voies menant au délaissement de la religion de vérité, il y a le fait de tomber dans les innovations. Car l'innovation, comme on a dit, elle est prise pour religion, alors qu'elle n'en fait pas partie. Donc celui qui tombe dans les innovations, il délaissera inévitablement une part de la religion. Et ainsi il fait preuve de sottise et méprise sa personne et l'amène à sa perte. Telle est donc la conséquence du suivi des innovations qui peut mener la personne à sortir de la religion de l'islam. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, il y a aussi le hadith sur les khawarij que l'on a déjà vu. Et il vise par cela le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit au sujet des khawarij, ils sortent de l'islam comme la flèche traverse le gibier. En effet, il se peut que, lorsqu'une flèche est tirée sur le gibier, elle entre d'une part de la proie, la traverse et en ressorte de l'autre côté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cela en image à la sortie des khawarij de l'islam. C'est-à-dire qu'ils entrent dans la religion, puis en ressortent de la même manière que cette flèche. Et qu'est-ce qui les mène à la sortie de la religion? Ce qui les mène à la sortie de la religion n'est autre que le suivi de l'innovation. C'est cela les premiers pas de leur sortie. C'est cela qui les a conduits à délaisser tout ou en partie la religion, le suivi des innovations. On voit donc très clairement à travers ce hadith que le suivi des innovations peut mener à la sortie de la religion, l'ayadu billah. Ensuite, il dit, rahimahullah, et on trouve dans le hadith authentique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la famille du père d'un tel ne sont pas des miens, ne sont pas de mes alliés. Les miens, ou mes alliés, ne sont que les vertueux. Donc ce qui est visé par la mention de ce hadith ici, c'est que même si une personne faisait partie des proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille, et que celle-ci instaurerait en islam des choses qui n'en font pas partie parmi les innovations religieuses, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de cette personne. Et ceci nous montre la gravité des innovations. Car l'innovation, elle est la cause de la rupture des liens entre les croyants. Et cette rupture peut mener pas à pas la personne à quitter la religion, l'ayadu billah. Car celui qui suit l'innovation, il suit une voie contraire à la voie droite du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il emprunte une autre voie. Et plus il s'écartera de la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus il risque de quitter la religion, l'ayadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, on trouve aussi dans le hadith authentique, c'est-à-dire ici le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qu'on rapporta au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que certains compagnons avaient dit les paroles suivantes. L'un d'entre eux a dit, quant à moi, je ne mange pas de viande. Un autre avait dit, quant à moi, je veille en prière, c'est-à-dire la nuit, et je ne dors pas. Un autre a dit, quant à moi, je n'épouse pas de femme. Et un autre a dit, quant à moi, je jeûne et je ne romps pas. Lorsque ceci fut rapporté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, en ce qui me concerne, je veille en prière et je dors. Je jeûne et je romps. J'épouse les femmes et je mange la viande. Celui qui délaisse ma sunna n'est pas des miens. On voit donc dans ce hadith un désaveu explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute personne qui délaisse sa sunna. Toute personne qui délaisse et se détourne de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le désavoue. Voyez à travers cela le danger de l'innovation. Regarde ici, ses compagnons ont simplement voulu se consacrer à l'adoration. L'un d'entre eux a voulu faire des efforts dans la prière de nuit, l'autre dans le jeûne, l'autre a voulu choisir le célibat pour se consacrer à l'adoration, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que ceci est contraire à sa sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, et ceci fait partie de l'exagération en religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait la nuit pour prier, mais il dormait aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait, mais il y avait des jours où il ne jeûnait pas. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas resté célibataire, mais il était marié, il avait plusieurs épouses. Et il mangeait la viande, c'est-à-dire qu'il ne se privait pas des délices de ce bas monde lorsque ceci lui était présenté. Il dit donc, celui qui délaisse ma sunna, celui qui délaisse ma voie, celui qui emprunte un autre chemin, il n'est pas des miens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le désavoue. Ceci te montre donc la gravité du suivi des innovations. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit après la mention de ce hadith, médite donc sur le fait qu'alors que certains compagnons n'ont voulu que se consacrer entièrement à l'adoration, on a dit sur eux cette parole sévère et leur acte a été qualifié de délaissement de la sunna. Alors que penser d'autre que cela parmi les innovations? Et que penser d'autre que les compagnons? Que penser d'une personne qui instaure dans la religion ce qui n'en fait pas partie, qui instaure des formules de dhikr, qui instaure des mawalid, qui instaure des adorations en des temps déterminés, d'une manière déterminée, et ainsi de suite parmi les innovations religieuses. Que penser de cette personne? N'est-elle pas plus concernée par ce désaveu qui est venu dans ce hadith? Il n'en fait aucun doute. Elle est bien plus concernée par ce désaveu. Celui qui délaisse ma sunna n'est pas des miens. Comment une personne à l'écoute de ce hadith peut ensuite penser qu'en religion il y a de bonnes innovations? Peut ensuite penser qu'il y a des choses par lesquelles on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas transmis à sa communauté? Tu vois dans ce hadith que ces hommes ne voulaient que faire des efforts dans l'adoration. Certains aujourd'hui, si on leur disait cela, ils diraient: mais pourquoi me blâmes-tu? Je veux juste faire beaucoup de prières, je veux juste faire beaucoup de jeûnes. Non. Ce jeûne et cette prière, tu dois les accomplir comme les accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez certainement ce récit de Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, qui un jour vit un homme multiplier les unités de prière après l'entrée du temps du Fajr. Et, comme vous le savez, après l'entrée du temps du Fajr, les seules prières légiférées, ce sont les deux unités surrogatoires qui précèdent la prière obligatoire et les deux unités obligatoires du Fajr. Mais celui-ci multipliait les prières. Alors Saïd ibn al-Musayyab l'a blâmé pour cela. L'homme lui dit: Allah va-t-il me châtier pour la prière? Il n'a pas compris qu'est-ce qu'il y avait de blâmable dans ce qu'il faisait alors qu'il ne faisait que prier. Alors Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, lui répondit d'une réponse très pertinente et lui dit: non, mais il va te châtier pour ton opposition à la sunna. Il va te châtier pour ton opposition à la sunna, car tu fais ici une œuvre qui n'est pas légiférée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiférée. Donc, ton agissement est contraire à la sunna, et c'est pour cela que tu risques de te faire châtier si tu ne te repens pas. Donc, il est très important de comprendre qu'il est impératif pour le musulman de se conformer à la sunna dans l'ensemble de ses œuvres par lesquelles il espère se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la conformité à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie des conditions d'acceptation des œuvres après la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit donc pas d'être sincère pour que ton œuvre soit acceptée. Mais il est impératif que tu te conformes à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Après ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre chapitre dans lequel il a voulu nous démontrer l'importance de se maintenir droit sur l'islam et de rester ferme sur la religion. Et en même temps, continuer de nous mettre en garde contre les innovations qui s'opposent à la droiture et à la fermeté sur la religion. Il a donc dit, rahimahullah, chapitre au sujet de la parole d'Allah: Fa aqim wajhaka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Vous exclusivement ta religion à Allah. Telle est la fitra sur laquelle Allah a créé les hommes. Il n'y a pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. On voit donc à travers ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de lui vouer exclusivement le culte et de se soumettre à lui. Et il nous a informé que ceci est la religion de droiture et que cette religion est celle sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Car comme on va le voir dans la suite du chapitre, tout enfant naît sur la fitra, tout enfant naît sur l'islam. Mais ce sont ses parents ensuite qui le rendent juif, chrétien ou adorateur du feu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'ensemble de ses serviteurs sur l'islam. La fitra de chacun d'entre nous est telle à reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le seul endroit d'être adoré. Il dit ensuite, il n'y a pas de changement à la création d'Allah. Certains ont expliqué ce verset en disant, n'altérez pas la religion d'Allah, ne changez pas de religion, car ceci est la religion de droiture. Donc il y a dans ce verset l'ordre de se maintenir droit sur cette religion et de ne pas l'altérer, c'est-à-dire de ne pas instaurer d'innovation en religion. Car les innovations s'opposent à la soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'innovation c'est quoi? C'est instaurer dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Donc, ce qui n'a pas été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par qui? Il a été envoyé par Allah. C'est Allah qui lui a révélé cette religion et qui lui a ordonné de la transmettre. Donc celui qui instaure une chose nouvelle, c'est comme s'il prétendait que la religion était incomplète. Et ceci est un manque de soumission à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, ainsi que sa parole, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub. Ô mes fils, certes Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez donc qu'en étant muslimoun, c'est-à-dire qu'en étant soumis Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ce verset cette recommandation immense qu'Ibrahim alayhi salam ainsi que Yaqub alayhi salam adressèrent à leur fils. Et cette recommandation n'est autre que de rester ferme sur la religion de l'islam. Car l'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule religion acceptée d'Allah, comme on l'a vu dans des chapitres précédents. Donc, celui qui veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, il se doit de rester ferme sur cette religion et ne pas s'en détourner. Et de faire des efforts pour ne mourir qu'en étant soumis. C'est-à-dire de rester ferme sur cette religion jusqu'à ton dernier souffle. Et pour ce faire, tu dois veiller à être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de tes œuvres. Et à te conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui ne se conforme pas à la sunna, mais qui suit la voie des innovations en religion, alors il a emprunté un chemin qui le détourne de la religion de l'islam. Par conséquent, il n'est pas ferme sur cette religion, car l'innovation ne fait pas partie de la religion. Et il s'est ainsi opposé à cette recommandation, de rester ferme sur la religion et de ne mourir qu'en étant soumis, qu'en étant musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que les prophètes, alayhim salatu wa salam, enjoignaient à leurs enfants la fermeté sur cette religion, de ne mourir qu'en étant soumis, qu'en étant accrochés à cette religion. Et ceci nous indique que les parents doivent faire de grands efforts pour transmettre cette religion à leurs enfants et ne pas être négligents à ce sujet. Car, comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs sur cette religion. Tout enfant naît sur la fitra, il naît sur l'islam. Et ce sont ses parents qui vont le rendre juif, chrétien ou adorateur du feu. Et de la même manière, ce sont ses parents qui vont être la cause de sa fermeté sur sa religion, s'ils font les efforts pour cela, qui lui inculquent cette religion dès leur plus jeune âge, qui leur enseignent la religion de l'islam, leur enseignent Les fondements de l'islam leur enseignent. Les actes cultuels légiférés en islam leur enseignent. L'importance du suivi du prophète de l'islam. L'amour de cette religion. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite parmi les choses qui doivent être inculquées aux enfants dès leur plus jeune âge. Regardez Ibrahim et Yaqub alayhim assalam ici qui disent à leurs enfants: Oh mes fils, certes Allah a choisi pour vous la religion. Allah a choisi pour nous cette religion. Il n'y a pas d'autre voie menant au bonheur ici-bas et dans l'au-delà si ce n'est cette religion, la religion de l'islam. Ne mourrez donc qu'en étant soumis à Allah. Car si vous mourrez dans une autre situation, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, alors vous serez parmi les perdants. Et seuls ceux qui vont mourir en étant soumis seront parmi les bienheureux dans l'au-delà. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur sa religion jusqu'au jour de sa rencontre. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un autre verset, qui est le verset 123 de Sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Puis nous t'avons révélé, c'est-à-dire Allah a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suis la religion d'Ibrahim. Il lui ordonne de suivre la religion d'Ibrahim, qui était vouée exclusivement à Allah. Il était hanif, il était orienté vers Allah, il se détournait de tout autre qu'Allah. Et n'était point du nombre des polythéistes. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre cette religion, la religion d'Ibrahim, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à se détourner de toute forme de polythéisme. Et entre dans cela le fait de suivre exclusivement la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de n'adorer Allah que de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré ses adorations et à s'écarter de toute chose nouvelle en religion. Car les innovations, elles ne font pas partie d'Al-Hanifiyya et elles ne font pas partie de l'islam. C'est donc une manière de se détourner de cette religion et, par conséquent, d'enfreindre à cet ordre qui nous est adressé dans ce verset. Suis la religion d'Ibrahim, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, chaque prophète a des alliés parmi les prophètes. Quant à moi, mon allié parmi eux est mon père Ibrahim, al-Khalil. Puis il récita la parole d'Allah, Inna awla an-nasi bi Ibrahim al-ladhina attaba'uhu wa hada an-nabiyyu wal-ladhina amanu. Wallahu waliyyul mu'minin. Certes, les gens les plus dignes de se réclamer d'Ibrahim, ce sont qui? Ce sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont cru. Et Allah est l'allié des croyants. Et l'auteur nous dit que ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Donc on voit à travers cela que les gens les plus en droit de se réclamer d'Ibrahim alayhi salam, ce sont qui? Ce sont ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont suivi sa religion. Et parmi eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui ont cru avec lui. Et de la même manière, ceux les plus en droit de se réclamer de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui l'ont suivi, ceux qui suivent sa sunna, non pas ceux qui instaurent dans la religion des innovations et des choses qui n'en font pas partie. Donc on voit une fois de plus à travers cela l'ordre de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam, de s'orienter totalement vers Allah subhanahu wa ta'ala, et entre dans cela le fait de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière dont il l'a légiféré, en s'écartant de toute innovation religieuse. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, Allah ne regarde ni vos corps, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Ce hadith est un hadith immense, qui nous montre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde chez ses serviteurs. Et par conséquent, ce qui sera la cause de leur rétribution bonne ou mauvaise. Et c'est ce qui se trouve dans les cœurs ainsi que les œuvres. C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Il ne regarde pas ton apparence. Il ne regarde pas tes biens, si tu es riche ou pauvre. Mais il regarde ce qu'il y a dans ton cœur ainsi que tes œuvres. Qu'est-ce que tu mets en pratique de cette religion? Il est donc nécessaire pour les croyants de faire des efforts pour purifier leur cœur de toutes choses qui pourraient les souiller parmi les formes de polythéisme ou même parmi les innovations et les passions. Tu dois purifier ton cœur de cela, que les actes de ton cœur ne soient voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tes œuvres soient conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu obtiendras une bonne rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention ici, certaines personnes, ils disent ce hadith en omettant de mentionner sa fin. Ils disent, certes, Allah ne regarde ni vos corps ni vos biens, mais il regarde vos cœurs. Et certains même se sont trompés et disent, certes, Allah ne regarde ni vos corps, ni vos biens, ni vos œuvres, mais il regarde vos cœurs. Et ceci est faux et c'est une erreur. Car Allah subhanahu wa ta'ala regarde les œuvres de ses serviteurs. Ne va pas faire comme ceux qui disent, la foi c'est dans le cœur. Certes, la foi est dans le cœur, mais la foi elle se traduit également par des actes. Des actes pour lesquels tu seras rétribué. S'ils sont bons, la rétribution sera bonne, et s'ils sont mauvais, la rétribution sera mauvaise. Donc la foi, elle n'est pas seulement dans le cœur. Mais la foi, elle est croyance du cœur, parole de la langue et œuvre du corps. Et celui qui souhaite s'embellir pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il doit chercher à purifier son cœur et à purifier ses œuvres. Et la purification de ton cœur et de tes œuvres, elle ne peut avoir lieu que par la soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala en étant sincère envers lui et en lui vouant exclusivement l'ensemble de tes œuvres et en te conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en t'écartant de toute innovation religieuse. C'est ainsi que tu seras embelli pour Allah subhanahu wa ta'ala en purifiant ton cœur et tes œuvres, en te conformant à la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en t'écartant de toute forme de polythéisme et de toute innovation. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et les imams al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je vous précéderai au bassin, c'est-à-dire à son bassin, qui lui sera accordé au jour de la résurrection, sallallahu alayhi wa sallam, et duquel les croyants s'abreuveront. Et après avoir bu de ce bassin, ils n'auront plus jamais soif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, je vous précéderai au bassin, et on me présentera des hommes de ma communauté jusqu'au moment où je me baisserai pour les abreuver. C'est alors qu'on les écartera de moi, et que je dirai, ô Seigneur, mes compagnons. On me dira alors, tu ne sais pas ce qu'ils ont instauré après toi. C'est-à-dire comme innovation. On voit à travers ce hadith la sévère menace qui pèse sur les partisans des innovations. Ce bassin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son messager sallallahu alayhi wa sallam est un bassin immense. Et les croyants s'en abreuveront au jour de la résurrection, en ce jour où les gens seront assoiffés, lorsque le soleil sera rapproché et que les gens seront plongés dans leur transpiration. Les croyants se rendront auprès de ce bassin pour s'en abreuver. Et parmi eux, certains en seront écartés. Il leur sera interdit de boire de ce bassin. Et qui sont-ils? Ce sont les gens de l'innovation, ceux qui ont innové en religion, qui ont suivi une voie contraire à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se sont pas conformés à sa sunna, mais qui ont préféré suivre une autre voie parmi les voies nouvelles en religion. Donc ceci nous montre le danger de l'innovation et la sévère menace qui pèse sur leurs partisans. Toute personne qui se détourne de la voie droite, qui suit une voie autre que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les voies nouvelles en religion, cette menace pèse sur lui et il risque d'être privé du fait de boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et il rapporte aussi, c'est-à-dire al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'aurais aimé que nous voyions nos frères. Les compagnons lui dirent alors, ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah? Il répondit, vous, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui ne sont pas encore venus, c'est-à-dire ceux qui viendront après moi, parmi les gens de ma communauté. Ils dirent, comment reconnaîtras-tu ceux de ta communauté qui ne sont pas encore venus? Il répondit, voyez-vous si un homme possède des chevaux marqués de blanc sur le front et la partie inférieure de leurs membres, et que ceux-ci se trouvent au milieu d'un troupeau de chevaux noirs, ne reconnaîtrait-il pas ces chevaux? Ils dirent, Bien sûr que si. Il dit alors, c'est ainsi qu'ils viendront avec les visages, les bras et les pieds blancs, c'est-à-dire blancs de lumière, en raison des ablutions. Les membres des ablutions, le visage, les bras et les pieds. Les croyants seront marqués de lumière au niveau de ces membres au jour de la résurrection. Ceci fait partie des mérites des ablutions. Et ceci fait partie des choses qui nous encouragent à nous appliquer lorsqu'on fait les ablutions. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je vous précéderai au bassin, mais des hommes en seront détournés au jour de la résurrection, de la même manière qu'on fait avancer un chameau égaré. Je les appellerai alors en leur disant de venir, mais on me dira, ils ont certes changé après toi. Je dirai alors qu'ils périssent, qu'ils périssent. Vous voyez dans ce hadith, premièrement, le mérite de se tenir sur la voie de la droiture et de rester ferme sur cette religion. Car celui qui reste ferme sur cette religion, il mérite de faire partie des frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au début de ce hadith, j'aurais aimé que nous voyions nos frères. Mes frères sont ceux qui ne sont pas encore venus. Donc celui qui reste ferme sur cette religion, qui embrasse l'islam et qui se conforme dans l'ensemble de ses œuvres à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors, bien qu'il ne peut pas faire partie des compagnons, il peut tout de même faire partie des frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un mérite immense, parmi les mérites de la droiture sur la religion. Et, inversement, on voit à travers ce hadith la menace qui pèse sur ceux qui se détournent de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui changent sa religion, qu'il altère et instaure des choses nouvelles, car ils seront détournés de son bassin au jour de la résurrection. On leur empêchera de s'abreuver de ce bassin. Pourquoi? En raison de leurs innovations, en raison du fait qu'ils ont instauré des choses nouvelles en religion, en raison du fait qu'ils ont changé la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquera contre eux. Et il dira qu'ils périssent, qu'ils périssent. Donc celui qui prend connaissance de ce hadith, ceci devrait lui suffire comme exhortation pour délaisser toute innovation en religion. Imagine-toi ce jour difficile. Le jour de la résurrection, lorsque les gens seront assoiffés et que les croyants se dirigeront vers ce bassin, prends conscience que cette parole est vérité car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Les innovateurs seront écartés du bassin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquera contre eux et il dira qu'ils périssent, qu'ils périssent. Comment une personne douée de raison peut-elle accepter pour elle-même de risquer de se retrouver dans cette situation. Ceci suffit comme exhortation pour délaisser l'ensemble des innovations et se conformer exclusivement à la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur a mentionné encore de nombreux hadiths dans ce chapitre, mais comme il est relativement long, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra la suite de ces hadiths dans le prochain cours. Bi'inillahi ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre, tout comme je lui demande subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs sincères et ceux qui suivent la voie de son messager sallallahu alayhi wa sallam et s'y conforment dans l'ensemble de leurs œuvres. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم